C'est fou à l'UQTR. R. 89. Bonjour, bienvenue à cette édition de CNX.zip. Je m'appelle Mathieu Plante et CNX.zip, ben, c'est l'émission la plus geek de la radio. C'est aussi l'émission qui compresse les chroniques technologiques CNX diffusées dans Assemblage requis. Et aujourd'hui, on compresse la chronique CNX de la semaine du 12 avril 2010, c'est-à-dire critique de jeu. On recevait Danny Janvier, l'animateur du Dépcon, pour parler du jeu Heavy Rain sur PlayStation 3. Ça va s'en venir un petit peu plus tard dans l'émission. On a aussi la suite de notre série en concert Overclocked Remix Presents Donkey Kong Country 2 Serious Monkey Business, un hommage à la musique du jeu Donkey Kong Country 2 Diddy's Conquest sur Super Nintendo. On est rendu à la pièce numéro 8, c'est-à-dire Monkey Merengue, basée sur la pièce originale Bonus Intro, remixée par Busted Tunes. Ce sera suivi de Token Up, basé sur Token Tango, remixée par Zyko. Vous êtes à CNX.zip. Sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Pièces 8 et 9 de la série Serious Monkey Business. On a entendu au début Monkey Merengue, basé sur Bonus Intro, remixé par Busta Tunes. Et ça, c'était Token Up, basé sur Token Tango, remixé par Zyko. Il nous en reste une à écouter tout de suite pour cette portion de l'émission. Voici It's a Jungle Out There, basé sur Primal Rave, remixé par Joshua Morse. Vous êtes à CNX.zip, l'émission la plus geek de la radio, sur les ondes de C'est Fou. L'artiste Joshua Morse avec la pièce It's a Jungle Out There, basée sur l'original Primal Rave du jeu Donkey Kong Country 2. C'est sur la série en concert qu'on présente ici à CNX.zip. C'est par Overclocked Remix et ça s'appelle Donkey Kong Country 2 Serious Monkey Business. Évidemment, un hommage à la musique de Donkey Kong Country 2, Diddy's Conquest. Hein? Bon. C'est une belle série que vous pouvez télécharger gratuitement sur dkc2.ocremix.org. Des gens de la communauté qui ont travaillé pendant 2 ans et demi sur cette collection-là de 3 CD. Vraiment excellent. Ils travaillent là-dessus depuis novembre 2007. Que vous avez mis le New Age, le Trance, les ballades rock, la musique orchestre, tout ça. Et rassemblé dans un genre de melting pot qu'ils disent ici. Ils voulaient rendre ça accessible pour le plus de gens possible. Que vous avez mis le style de musique de la pièce ou pas. Il y en a pour tous les goûts. Voilà, dkc2.ocremix.org. Vous pouvez retrouver le lien sur le site de l'émission ou assemblagerequis.com. Maintenant, avant de passer la chronique de la semaine, c'est-à-dire la critique de jeu de Heavy Rain sur PlayStation 3 avec Danny Janvier, regardons un petit peu les mots-clés les plus recherchés sur Internet, sur Yahoo Québec. En 10e position, c'est l'actrice Catherine Zeta-Jones. En 9e, l'actrice Rachel Bilson. En 8e, Exercice Abdo. En 7e, l'actrice Terry Hatcher. En 6e, le joueur de hockey. Et là, je vais prononcer le nom comme je le lis. Alex Ovechkin. Je ne pas le hockey du tout. 5e, dollar canadien. 4e, l'actrice Kirstie Alley. En 3e, l'actrice Emily de Raven. Il y a beaucoup d'acteurs et actrices là-dedans. En 2e, séisme en Chine. Et en 1e, c'est l'ex-ministre de la Justice du Québec, Marc Bellemare. Voilà pour les mots-clés les plus recherchés sur Yahoo Québec. Côté jeux vidéo maintenant, les jeux les plus loués en club vidéo, commençons par la 10e position, Metro 2033 sur Xbox 360. En 9e, Army of Two, The 40th Day sur Xbox 360. En 8e, Heavy Rain sur PS3. En 7e, Call of Duty Modern Warfare 2 sur Xbox 360. En 6e, c'est Just Cause 2 sur PS3. 5e, Battlefield Bad Company 2 sur PS3. 4e, Just Cause 2 sur Xbox. 3e, God of War 3 sur PS3. 2e, Battlefield Bad Company 2 sur 360. Et en 1e, ouais, il y a beaucoup de jeux qui sont sur plusieurs consoles. Qui sont dans le top 10, c'est normal. Et en 1e, c'est New Super Mario Bros. Wii sur Nintendo Wii. Petite suggestion comme ça, moi j'aimerais bien, tu sais, si les jeux qui sont sur plusieurs consoles étaient fusionnés en une seule position dans le palmarès pour qu'on puisse avoir un petit peu plus de variété dans les jeux les plus loués, je trouve. Mais bon. Ça, c'est les jeux vidéo les plus loués dans les clubs vidéo divers que vous fréquentez ou que vous ne fréquentez pas. Hein? Vous êtes toujours à CNX.zip, l'émission la plus geek de la radio. Et maintenant, on va se remémorer la chronique qui avait lieu hier. Hein. C'est lointain dans nos souvenirs. On recevait Danny Janvier de l'émission Le Dîner de Con pour parler de Heavy Rain sur PlayStation 3. Mercredi. C'est comme, faut que j'avertisse le monde quand que je fais des erreurs et que je remets les choses en place pour que ça sonne comme faux. Hein? C'est beau, ça. Ben, c'est superbe. Merci. Donc, Danny Janvier, bonjour. Bonjour, Mathieu. Bonjour, Kiwan. Salut. Salut, salut. Ben, c'est ça, cette semaine, finalement, c'est moi le geek. Oui, parce c'est que moi le plus geek de la radio. Moi, les technologies et tout ça, m'oublie ça, là. Moi, je mettrais la hache là-dedans. Ou imagine, au moins. Si tu te fies sur moi pour la geekitude de ton émission. Pour remplir le quota de geek, ouais. En tout cas. J'ai toujours un petit côté geek, mais j'aime quand même les bébelles et tout ça. Tout le monde a un côté geek à l'intérieur de lui-même, presque. Il y en a qui ont un côté féminin, mais c'est plus ou moins gros, là. Geek. C'est féminin, puis en plus geek. Geekette. Cette semaine, les gars, je vous parle de Heavy Rain. Ah oui! Heavy Rain, qui est un jeu, un thriller interactif. Le nom complet, c'est Heavy Rain et le tueur à l'origami. Oh. Donc, le but, c'est... à la base, c'est un nouveau jeu. Tu veux-tu baisser un peu ton son? Ça, il est fort dans mes oreilles. Excuse-moi, Mathieu. Oui, la trame était forte. Je suis complètement déconcentré. C'est parce qu'elle est bonne, tu comprends? Ouais, c'est ça. Je suis porté à l'écouter. Donc, je te comprends, non? Heavy Rain, le tueur à l'origami, c'est un jeu... trailer interactif et qui rappelle un peu les livres dont vous êtes le héros. Je sais pas si vous avez joué à ça, les gars, les livres dont vous êtes le héros. Moi, j'ai beaucoup joué à ça, mais là, c'est en jeu. C'est un nouveau concept totalement. C'est un jeu qui est disponible seulement sur Sony. Et puis, on essaie de régler une enquête, finalement, de conclure une enquête. Et puis, on joue 4 personnages à la fois. Le tueur à l'origami, lui, s'attaque à des jeunes garçons âgés entre 8 et 12 ans, puis il laisse toujours dans la main du jeune

ça vaut la peine de voir ça. Moi, je me suis acheté une PS3 à cause de ça au début. Ben oui. Parce que je regardais, j'étais là, ça se peut pas. C'est rendu là, une console. OK. Ah, oh, wow. T'as acheté la console pour ce jeu-là et puis tu te débarrassais de jouer après une semaine. Après, même pas une semaine. Mais au moins, tu l'as maintenant, c'est fait, là. Ben, exactement. Ça te prenait une bonne raison. Exactement. Bon. Exact. Donc, tu nous as donné ta cote qui était 8 sur 10. Regardons les cotes sur Metacritic.com qui rassemble 104 chroniqueurs reconnus internationalement. Donc, ça donne 87, donc 8,7 sur 10. Selon la communauté, c'est 6,2. À cause de la longueur. Sûrement. Parce que la communauté, ils l'achètent le jeu, tandis que les critiques, eux, se le font donner. Hein. Puis, eux autres, en date d'une journée, ils ont fait peut-être le tour de la moitié ou du trois quarts. De toute façon, ils s'en foutent, eux autres, c'est de dire un peu ce qu'ils en pensent. Puis... Ouais. Mais les gens qui payent pour le jeu à 65$ ou 60$, tu fais le tour. Hein? Tu fais le tour vite, tu l'as un peu plus dans la gorge. Ouais. Heavy Rain sur PlayStation 3, c'est exclusif d'ailleurs à la PS3. C'est édité par Sony Computer Entertainment, développé par Quantic Dream dans le genre aventure pour un seul joueur. C'est coté 17 ans et plus, donc mature, et c'est sorti le 23 février 2010. Merci beaucoup, Danny Janvier. Merci les gars, puis bon show. Merci, à la semaine prochaine, c'est ça? On se revoit avec Uncharted 2. Ouais, une dernière, là, peut-être. Là, bien finir ça. Ouais. Hey, salut les gars. On le retrouve au Dîner de Con du lundi au jeudi entre 11h et 13h. Ici même assez fou. 89 FM. C'était la chronique d'hier, mercredi, critique de jeu avec Danny Janvier. On remercie encore une fois Danny Janvier. C'est lui qui va suivre juste après notre émission tout à l'heure. Avant de continuer avec du chiptune, de la musique de jeux vidéo que vous aimez, j'en suis sûr. Parlons un petit peu des nouveautés en magasin où vous achetez vos jeux, où vous les procurez, peu importe, pour la semaine du 11 avril 2010. Tom Clancy's Splinter Cell Conviction sort le 13 avril, donc il y a deux jours, sur Xbox 360. C'est coté 8.0 selon GameSpot. C'est un jeu d'action-aventure. Grand Theft Auto 4, Episodes from Liberty City, ça rassemble, en fait c'est un jeu, d'accord, qui met en vedette The Lost and Damned et The Ballad of Gay Tony, des épisodes de ces deux jeux-là sur un seul disque. Bon, il y a aussi Grand Theft Auto 4 Episodes from Liberty City sur PC, donc sur PlayStation 3 et sur PC, c'est coté 9 selon GameSpot. Final Fight Double Impact sort sur PlayStation 3, c'est un jeu d'action avec deux classiques de Capcom, Final Fight et Magic Sword. Il y a Military Madness Nectaris qui est sorti sur le système WiiWare de la Nintendo Wii. Grand Theft Auto 4, The Ballad of Gay Tony sort sur PC. C'est le deuxième épisode de Grand Theft Auto 4. Il y a aussi The Lost and the Damned, qui est la première de deux expansions exclusives à Xbox 360, mais maintenant sur la PlayStation 3. Hein. C'est compliqué, je trouve, moi. Un petit peu ces affaires-là, des jeux qui sortent plus tard sur d'autres consoles. Dark Void Zero IP sort sur PC. C'est un jeu de plateforme en 2D, rétro. Sam & Max, The Devil's Playhouse, Episode 1, The Penal Zone, sort sur PlayStation 3 et sur Mac aujourd'hui même. C'est les aventures en épisode de Sam & Max qui continuent. Final Saga sort sur Xbox 360, c'est un jeu de rôle. Arcade Shooter Evelo sort sur Nintendo Wii. Easy Piano sort sur Nintendo DS. C'est un jeu qui offre plus de 40 titres légendaires jouables sur un vrai mini clavier fait pour la Nintendo DS. D'accord. Gangstar 2 Kings of LA sort sur la DSiWare, donc sur le système de téléchargement de la DSi. Brothers in Arms Double Time sort sur Mac. C'est un shooter à la première personne. Et sur Nintendo Wii, Zaxxon, un shooter. Voilà donc pour les nouveautés en magasin ou ailleurs pour la semaine du 11 avril 2010. Vous êtes à CLX.zip, l'émission la plus geek de la radio. On continue en chiptune. On va l'entendre la position numéro 3 en égalité avec Low Bit Basement number 5 de Henry Homesweet. On va plutôt aller écouter Wiz Wars avec Handheld Hero. Et c'est une pièce de chiptune, donc inspirée par les jeux vidéo créés à partir de consoles de jeux vidéo. C'était à CLX.zip. Sur C'est fou, 89.1 FM. We'll be right back. dash.com. 89 fois. La seule radio musicale. CLX.zip, l'émission de la plus grise, la radio. Bonjour, vous êtes toujours à CLX.zip pour la semaine du 12 avril 2010. Je m'appelle Mathieu Plante. Avant la pause, on a commencé l'écoute de quelques pièces du palmarès headbitcollective.com, qui est une communauté où les gens peuvent partager de la musique qu'ils ont créée, soit à partir de consoles de jeux vidéo ou inspirées par la musique de jeux vidéo. On a entendu le numéro 3 de ce palmarès-là, c'est Wiz Wars avec Handheld Hero. On va tout de suite continuer avec une pièce qui nous vient directement de l'artiste Ambicore. Ambicore, c'est bien ça? Ambicore, oui. It Come Crashing Down, Renoise Break Dub Chip. Et ce sera suivi de Zomvor avec Masculine Hydrochloride dans CNX.z pour 89.fm. C'est fou dans vos oreilles. C'est peut-être encore plus fou quand vous écoutez la musique de même. Mais bon! We'll be right back. Deux autres pièces du palmarès selbitcollective.com. Ça, c'était Zum Vore avec Masculine Hydrochloride. Et on a entendu avant ça Icon avec It Come Crashing Down Renoise Break Dub Chip. Vous êtes à Ceilings.ca pendant le temps de s'écouter deux autres petites pièces de chiptune et on revient avec le mot de la fin sur C'est fou. Meteor Shower de Twistendo ou encore Tristan Corrales à CNX.zip. Avant ça, c'était Glitter Dust par Deadbeat Blast. Une intro que ce gars-là a fait avec LSDJ et un clavier Korg. Pas mal bien, je dirais. C'est un mot que j'invente aussi. Bien bon. OK, donc c'est la fin de CNX.zip. On se calme. On change d'air complètement avec les gars du Dîner de con qui s'en vient dans quelques minutes à peine. Moi, je vais être de retour à 13h avec les palmarès CIFO édition franco puis assemblage requis. Sinon, ben la semaine prochaine, CNX.zip va être là pour compresser les émissions de la semaine prochaine, les chroniques, s'il y en a. On va se quitter avec The Short Sleeves et la pièce Rabbit Feet. Si vous aimez le chiptune comme vous l'entendez à CNX.zip, c'est quelque chose qui devrait vous intéresser pas mal, ça. Si vous aimez des artistes comme Balloon qu'on fait jouer des fois ici. Donc, The Short Sleeves et Rabbit Feet. Et puis, à tantôt à 13h. Bon dîner de con. Bye bye. Cash.com.